les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le théâtre, la salle de théâtre, on s'y rend pour assister à une représentation. Le théâtre, dans son sens de production littéraire, le théâtre, on peut aussi le lire, comme on lit des romans. On peut même le lire à voix haute, interprétant tous les rôles. L'exercice est plein d'enseignements, le texte semble tout de suite plus compréhensible ou plus mystérieux. Voici « Lecture à une voix », l'une des émissions de la série que Michel Pollack proposait dans les années 50. Racine, au programme, précisément Britannicus. Mais Britannicus est-il le personnage principal de la pièce? Ne serait-ce pas plutôt le méchant Néron? Encore que, selon Racine, le Néron qu'il présente n'est qu'un monstre naissant qui, comme le veut la coutume ou la légende, n'a pas encore mis le feu à Rome, n'a pas encore tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs. Pour l'heure, n'en doutez pas, Burrus, malgré ses injustices, c'est ma mère et je veux ignorer ses caprices. Mais Rome veut un maître et non une maîtresse. Lecture à une voix de Michel Pollack, première diffusion sur la chaîne nationale le 13 septembre 1956. La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai transmise du Théâtre des Noctambules. Lecture à une voix, émission de Michel Pollack et Guy Maxence. Aujourd'hui, Britannicus de Racine, lu par Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française. Voici Jean Marchat. Britannicus, tragédie en 5 actes de Jean Racine, créée le 13 décembre 1669. Personnages. Néron, empereur, fils d'Agrippine. Britannicus, fils de l'empereur Claudius et de Messaline. Agrippine, veuve de Domitius Enobarbus, père de Néron, et en seconde noce, veuve de l'empereur Claudius. Junie, amante de Britannicus. Burrus, gouverneur de Néron. Narcisse, gouverneur de Britannicus. Albine, confidente d'Agrippine. La scène est à Rome, dans une chambre du palais de Néron. Acte 1er. Scène 1er, Agrippine, Albine. Albine. Quoi? Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil? Qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, la mère de César veille seule à sa porte? Madame, retournez dans votre appartement. Agrippine. Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Là de se faire aimer, il veut se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine. Et chaque jour, je sens que je deviens importune à mon tour. Albine, quoi, vous à qui Néron doit le jour qu'il respire? Qu'il avait appelé de si loin à l'Empire, vous, qui déshéritant le fils de Claudius, avez nommé César l'heureux Domitius, tout lui parle, madame, en faveur d'Agrippine. Il vous doit son amour. Il me le doit, Albine. Tout s'il est généreux lui prescrit cette loi. Mais tout s'il est ingrat lui parle contre moi. Albine, s'il est ingrat, madame. Oh, toute sa conduite montre dans son devoir une âme trop instruite. Depuis 3 ans entiers, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait, qui ne promet à Rome un empereur parfait? Rome, depuis 2 ans, par ses soins gouvernés, au temps de ses consuls, croit être retournée. Il la gouverne en père. Enfin, Néron naissant a toutes les vertus d'Auguste vieillissant. Agrippine, non. Non. Mon intérêt ne me rend point injuste. Il commence, il est vrai, par où finit Auguste, mais craint que l'avenir rappelant le passé, il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé. Il se déguise en vain. Je lis sur son visage des fiers Domitius l'humeur triste et sauvage. Il mêle avec l'orgueil qu'il a pris dans leur sang la fierté des Nérons qu'il puisa dans mon flanc. Toujours la tyrannie a d'heureuses prémices. De Rome, pour un temps, Caius fut les délices, mais sa feinte bonté se tournant en fureur, les délices de Rome en devinrent l'horreur. Que m'importe, après tout, que Néron, plus fidèle d'une longue vertu, laisse un jour le modèle. Et je mis dans sa main le timon de l'État pour le conduire au gré du peuple et du Sénat. Ah, que de la patrie il soit s'il veut le père. Mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine et sa mère. De quel nom, cependant, pouvons-nous appeler l'attentat que le jour vient de nous révéler? Il sait, car leur amour ne peut être ignoré, que de Britannicus, Junie est adoré. Et ce même Néron, que la vertu conduit, fait enlever Junie au milieu de la nuit. Que veut-il? Est-ce haine? Est-ce amour qui l'inspire? Cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire? Ou plutôt... N'est-ce pas que sa malignité punit sur eux l'appui que je leur ai prêté? Albine, vous, leur appui, madame? Agrippine, arrête, chère Albine. Je sais que j'ai moi seul avancé leur ruine, que du trône où le sang l'a dû faire monter, Britannicus, par moi, s'est vu précipiter. Par moi seul, éloigné de l'hymen d'Octavie, le frère de Junie abandonna la vie, Silanus, sur qui Claude avait jeté les yeux et qui comptait Auguste au rang de ses aïeux. Néron jouit de et moi, pour récompense, il faut qu'entre eux et lui, je tienne la balance, afin que quelque jour, par une même loi, Britannicus la tienne entre mon fils et moi. Albine, quel dessein! Agrippine, je m'assure un port dans la tempête. Néron m'échappera si ce frein de l'arrête. Albine, mais prendre contre un fils tant de soins superflus? Agrippine, je le craindrai bientôt s'il ne me craignait plus. Albine, une juste frayeur vous alarme peut-être, mais si Néron pour vous n'est plus ce qu'il doit être, du moins son changement ne vient pas jusqu'à nous. Et ce sont des secrets entre César et vous. Quelque titre nouveau que Rome lui défère, Néron n'en reçoit point qu'il ne donne à sa mère. Sa prodigue amitié ne se réserve rien. Votre nom est, dans Rome, aussi saint que le sien. À peine parle-t-on de la triste Octavie. Auguste, votre aïeul, en aura moins Livie. Néron, devant sa mère, a permis le premier qu'on porta les faisceaux couronnés de lauriers. Quels effets voulez-vous de sa reconnaissance? Agrippine, un peu moins de respect et plus de confiance. Tous ces présents, Albine, irritent mon dépit. Je sens mes honneurs croître et tomber mon crédit. Non, non, le temps n'est plus que Néron, jeune encore, me renvoyait les vœux d'une cour qu'il adore. Lorsqu'il se reposait sur moi de tout l'état, que mon ordre au palais assemblait le Sénat, et que derrière un voile, invisible et présente, j'étais de ce grand corps l'âme toute puissante. Les volontés de Rome, alors mal assurées, Néron, de sa grandeur n'était point enivré. Ce jour, ce triste jour, frappe encore ma mémoire, où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire. Quand les ambassadeurs de tant de rois divers vinrent le reconnaître au nom de l'univers, sur son trône, avec lui, j'allais prendre ma place. J'ignore quel conseil prépara ma disgrâce, quoi qu'il en soit. Néron, d'aussi loin qu'il me vit, laissa sur son visage éclater son dépit. Mon cœur même en conçut un malheureux augure. L'ingrat d'un faux respect colorant son injure, se leva par avance. Et courant m'embrasser, il m'écarta du trône où je m'allais placer. Depuis ce coup fatal, le pouvoir d'Agrippine vers sa perte, à grands pas, chaque jour s'achemine. L'ombre seule m'en reste. Et l'on n'implore plus que le nom de Sénèque ou l'appui de Burrus. Albine, oh, si de ce soupçon votre âme est prévenue, pourquoi nourrissez-vous le venin qui vous tue? Daignez, avec César, vous éclaircir, du moins. Agrippine, César ne me voit plus, Albine, sans témoin, en public, à mon heure, on me donne audience. Sa réponse est dictée, et même son silence. Je vois deux surveillants, ses maîtres et les miens, présider l'un ou l'autre à tous nos entretiens, mais je le poursuivrai d'autant plus qu'il m'évite. De son désordre, Albine, il faut que je profite. J'entends du bruit. On ouvre. Allons secrètement lui demander raison de cet enlèvement. Surprenons, s'il se peut, les secrets de son âme. Mais quoi? Déjà Burrus sort de chez lui. Scène 2, Agrippine, Burrus, Albine. Burrus. Madame, au nom de l'empereur, j'allais vous informer d'un ordre qui d'abord a pu vous alarmer, mais qui n'est que l'effet d'une sage conduite dont César a voulu que vous soyez instruite. Agrippine, puisqu'il le veut, entrons, il m'en instruira mieux. César, pour quelque temps, s'est soustrait à nos yeux. Déjà par une porte au public moins connue, l'un et l'autre consul vous avait prévenu, madame, mais souffrez que je retourne exprès. Agrippine, non! Je ne trouble point ces augustes secrets. Cependant, voulez-vous qu'avec moins de contraintes, l'un et l'autre, une fois, nous nous parlions, sans feinte? Burrus. Burrus, pour le mensonge, eut toujours trop d'horreur. Agrippine. Prétendez-vous longtemps me cacher l'empereur? Ne le verrai-je plus qu'à titre d'importune? Ai-je donc élevé si haut votre fortune pour être une barrière entre mon fils et moi? Ne l'osez-vous laisser un moment sur sa foi, entre Sénèque et vous? Disputez-vous la gloire à qui m'effacera plus tôt de sa mémoire? Voulais-je confier pour en faire un ingrat, pour être, sous son nom, les maîtres de l'État? Certes, plus je médite et moins je me figure que vous m'osiez compter pour votre créature, moi. Vous, dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition dans les honneurs obscurs de quelques légions. Et moi, qui sur le trône ai suivi mes ancêtres. Moi, fille, femme, sœur et mère de vos maîtres. Que prétendez-vous donc? Pensez-vous que ma voix est faite à l'empereur pour m'en imposer trois? Néron n'est plus enfant, n'est-il pas temps qu'il règne? Jusqu'à quand voulez-vous que l'empereur vous craigne? Ne saurait-il rien voir qu'il n'emprunte vos yeux pour se conduire enfin? N'a-t-il pas ses aïeux? Qu'il choisisse s'il veut d'Auguste ou de Tibère, qu'il imite s'il peut Germanicus, mon père. Parmi tant de héros, je n'ose me placer, mais il est des vertus que je lui puis tracer. Je puis l'instruire, au moins, combien sa confidence entre un sujet et lui doit laisser de distance. Burrus. Je ne m'étais chargé dans cette occasion que d'excuser César d'une seule action. Mais, puisque sans vouloir que je le justifie, vous me rendez garant du reste de sa vie, je répondrai, madame, avec la liberté d'un soldat qui sait mal farder la vérité. Vous m'avez de César confié la jeunesse, je l'avoue, et je dois m'en souvenir sans cesse. Mais vous avez-je fait serment de le trahir, d'en faire un empereur qui ne sut qu'obéir, non? Ce n'est plus à vous qu'il faut que j'en réponde, ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde. J'en dois compte, madame, à l'Empire romain qui croit voir son salut ou sa perte en ma main. Ah, si dans l'ignorance il le fallait instruire, n'avait-on que Sénèque et moi pour le séduire? Pourquoi de sa conduite éloigner les flatteurs? Fallait-il dans l'exil chercher des corrupteurs? La cour de Claudius en esclave fertile, pour deux que l'on cherchait en eût présenté mille, qui tous auraient brigué l'honneur de l'avilir. Dans une longue enfance, il l'aurait fait vieillir. De quoi vous plaignez-vous, madame? On vous révère. Autant que par César, on jure par sa mère. L'empereur, il est vrai, ne vient plus chaque jour mettre à vos pieds l'empire et grossir votre cour. Mais le doit-il, madame? Et sa reconnaissance ne peut-elle éclater que dans sa dépendance? Toujours humble, toujours le timide Néron n'ose-t-il être Auguste et César que de nom? Fou le dirais-je enfin, Rome le justifie. Rome, à trois affranchis si longtemps asservie, à peine respirant du joug qu'elle a porté, du règne de Néron contre sa liberté. Que dis-je? La vertu semble même renaître. Tout l'empire n'est plus la dépouille d'un maître. Le peuple, au champ de Mars, nomme ses magistrats. César nomme les chefs sur la foi des soldats. Thraseas au Sénat, Corbulon dans l'armée, sont encore innocents malgré leur renommée. Les déserts, autrefois peuplés de sénateurs, ne sont plus habités que par leurs délateurs. Qu'importe que César continue à nous croire, pourvu que nos conseils ne tendent qu'à sa gloire. Pourvu que dans le cours d'un règne florissant, Rome soit toujours libre et César tout puissant. Mais madame, Néron suffit pour se conduire. J'obéis, sans prétendre à l'honneur de l'instruire. Sur ses aïeux, sans doute, il n'a qu'à se régler. Pour bien faire, Néron n'a qu'à se ressembler. Heureux si ces vertus l'une à l'autre enchaînées ramènent tous les ans ses premières années. Agrippine. Ainsi, sur l'avenir, n'osant vous assurer, vous croyez que sans vous, Néron va s'égarer. Mais vous, qui jusqu'ici, content de votre ouvrage, venez de ses vertus nous rendre témoignage, expliquez-nous pourquoi, devenu ravisseur, Néron de Silanus fait enlever la sœur. Ne tient-il qu'à marquer de cette ignominie le sang de mes aïeux qui brille dans Junie ? De quoi l'accuse-t-il ? Et par quel attentat devient-elle en un jour criminelle d'État, elle, qui sans orgueil jusqu'alors élevé n'aurait point vu Néron s'il ne l'eût enlevé, et qui même aurait mis au rang de ses bienfaits l'heureuse liberté de ne le voir jamais. Burrus, je sais que d'aucun crime elle n'est soupçonnée, mais jusqu'ici César ne l'a point condamnée, madame. Aucun objet ne blesse ici ses yeux, elle est dans un palais tout plein de ses aïeux. Vous savez que les droits qu'elle porte avec elle peuvent de son époux faire un prince rebelle, que le sang de César ne se doit allier qu'à ceux à qui César le veut bien confier. Vous-même avoueriez qu'il ne serait pas juste qu'on disposât sans lui de la nièce d'Auguste, Agrippine. Je vous entends. Néron m'apprend par votre choix qu'en vain Britannicus s'assure sur mon choix. En vain ! Pour détourner ses yeux de sa misère, j'ai flatté son amour d'un hymen qu'il espère. À ma confusion ! Néron veut faire voir qu'Agrippine promet par-delà son pouvoir. Rome, de ma faveur, est trop préoccupée. Il veut, par cet affront, qu'elle soit détrompée. Et que tout l'univers apprenne avec terreur à ne confondre plus mon fils et l'empereur. Il le peut. Toutefois, j'ose encore lui dire qu'il doit, avant ce coup, affermir son empire. Et qu'en me réduisant à la nécessité d'éprouver contre lui ma faible autorité, il expose la sienne. Et que dans la balance, mon nom, peut-être, aura plus de poids qu'il ne pense. Burrus, quoi, madame ? Toujours soupçonner son respect. Ne peut-il faire un pas qui ne vous soit suspect ? L'empereur vous croit-il du parti de Junie ? Avec Britannicus vous croit-il réuni ? Quoi, de vos ennemis devenez-vous l'appui pour trouver un prétexte à vous plaindre de lui ? Sur le moindre discours qu'on pourra vous redire, serez-vous toujours prête à partager l'empire ? Vous craindrez-vous sans cesse ? Et vos embrassements ne se passeront-ils qu'en éclaircissement ? Oh, quittez d'un censeur la triste diligence. D'une mère facile, affectez l'indulgence, souffrez quelques froideurs sans les faire éclater, et n'avertissez point la cour de vous quitter, Agrippine. Et qui s'honorerait de l'appui d'Agrippine lorsque Burrus lui-même annonce ma ruine, lorsque de sa présence il semble me bannir, quand Burrus, à sa porte, ose me retenir, Burrus. Madame, je vois bien qu'il est temps de me taire et que ma liberté commence à vous déplaire. La douleur est injuste. Et toutes les raisons qui ne la flattent point aigrissent ses soupçons. Voici Britannicus. Je lui cède la place. Je vous laisse écouter et plaindre sa disgrâce et, peut-être, madame, en accuser les soins de ceux que l'empereur a consultés le moins. Scène 3. Agrippine, Britannicus, Narcisse, Albine. Agrippine. Ah, prince, où courez-vous ? Quelle ardeur inquiète parmi vos ennemis en aveugle vous jette ? Que venez-vous chercher ? Britannicus. Ce que je cherche ? Oh, Dieu ! Tout ce que j'ai perdu, madame, est en ces lieux. De 1000 affreux soldats junis environnés, c'est vu, en ce palais, indignement traînés. Hélas, de quelle horreur ces timides esprits à ce nouveau spectacle auront été surpris. Enfin, on me l'enlève. Une loi trop sévère va séparer deux cœurs qu'assemblaient leur misère. Sans doute on ne veut pas que, mêlant nos douleurs, nous nous aidions l'un l'autre à porter nos malheurs. Agrippine, il suffit. Comme vous, je ressens vos injures. Mes plaintes ont déjà précédé vos murmures, mais je ne prétends pas qu'un impuissant courroux dégage ma parole et m'acquitte envers vous. Je ne m'explique point. Si vous voulez m'entendre, suivez-moi chez Pallas, où je vais vous attendre. Scène 4, Britannicus Narcisse. Britannicus. La croirais-je, Narcisse ? Et dois-je, sur sa foi, la prendre pour arbitre entre son fils et moi ? Et qu'en dis-tu ? N'est-ce pas cette même Agrippine que mon père épousa jadis pour ma ruine et qui, si je t'en crois, a, de ses derniers jours, trop lent pour ses desseins, précipité le cours ? Narcisse, n'importe. Elle se sent comme vous outragée. À vous donner Junie, elle s'est engagée. Unissez vos chagrins, lier vos intérêts. Ce palais retentit en vain de vos regrets, tandis qu'on vous verra d'une voix suppliante semer ici la plainte et non pas l'épouvante, que vos ressentiments se perdront en discours. N'en faut pas douter, vous vous plaindrez toujours, Britannicus. Ah, Narcisse, tu sais, si de la servitude je prétends faire encore une longue habitude, tu sais, si pour jamais de ma chute étonnée je renonce à l'empire où j'étais destiné. Mais je suis seul encore. Les amis de mon père sont autant d'inconnus que glace ma misère. Et ma jeunesse même écarte loin de moi tous ceux qui, dans le cœur, me réservent leur foi. Pour moi, depuis un an qu'un peu d'expérience m'a donné de mon sort la triste connaissance, que vois-je autour de moi? Que des amis vendus, qui sont de tous mes pas les témoins assidus, qui choisis par Néron pour ce commerce infâme, trafiquent avec lui des secrets de mon âme. Quoi qu'il en soit, Narcisse, on me vend tous les jours. Il prévoit mes desseins, il entend mes discours. Comme toi, dans mon cœur, il sait ce qui se passe. Que t'en semble, Narcisse? Narcisse, oh, quelle âme assez basse! C'est à vous de choisir des confidents discrets, Seigneur, et de ne pas prodiguer vos secrets. Britannicus, Narcisse, tu dis vrai. Mais cette défiance est toujours d'un grand cœur la dernière science. On le trompe longtemps. Mais enfin, je te crois. Ou plutôt, je fais vœu de ne croire que toi. Mon père, il m'en souvient, m'assura de ton zèle. Seul de ses affranchis, tu m'es toujours fidèle. Tes yeux sur ma conduite incessamment ouverts m'ont sauvé jusqu'ici de 1000 écueils couverts. Va donc voir si le bruit de ce nouvel orage aura de nos amis excité le courage. Examine leurs yeux, observe leurs discours, vois si j'en puis attendre un fidèle secours. Surtout, dans ce palais, remarque avec adresse avec quel soin Néron fait garder la princesse. Sache si du péril ses beaux yeux sont remis et si son entretien m'est encore permis. Cependant, de Néron, je vais trouver la mère chez Pallas, comme toi l'affranchis de mon père. Je vais la voir, l'aigrir, la suivre, et s'il se peut, m'engager sous son nom plus loin qu'elle ne veut. Acte 2, scène première. Néron, Burrhus, Narcisse, garde. Néron. N'en doutez point, Burrhus. Malgré ses injustices, c'est ma mère, et je veux ignorer ses caprices. Mais je ne prétends plus ignorer ni souffrir le ministre insolent qui les ose nourrir. Pallas, de ses conseils, empoisonne ma mère. Il séduit chaque jour Britannicus, mon frère. Il l'écoute tout seul. Et qui suivrait leur pas les trouverait peut-être assemblés chez Pallas, c'en est trop. De tous deux, il faut que je l'écarte. Pour la dernière fois qu'il s'éloigne, qu'il parte, je le veux. Je l'ordonne. Et que la fin du jour ne le retrouve plus dans Rome et dans ma cour. Allez, cet ordre importe au salut de l'Empire. Vous, Narcisse, approchez. Et vous, qu'on se retire. Scène 2, Néron, Narcisse. Narcisse. Grâces au Dieu, Seigneur. J'unis entre vos mains vous assure aujourd'hui du reste des Romains. Vos ennemis, déchus de leur vaine espérance, sont allés chez Pallas, pleurer leur impuissance. Mais que vois-je? Vous-même, inquiet, étonné? Plus que Britannicus paraissait consterné, que présage à mes yeux cette tristesse obscure et ces sombres regards errants à l'aventure? Tout vous rit! La fortune obéit à vos vœux. Néron, Narcisse, c'en est fait. Néron est amoureux. Narcisse, vous, Néron, depuis un moment, mais pour toute ma vie, j'aime... Que dis-je aimer? J'idolâtre Junie. Narcisse, vous l'aimez? Néron, excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste. levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu, je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence et le farouche aspect de ses fiers ravisseurs relevaient de ses yeux les timides douceurs, quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler. Et ma voix s'est perdue, immobile, saisie d'un long étonnement. Je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire, de son image, en vain j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler, j'aimais, jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce, j'employais les soupirs et même la menace. Voilà comme, occupé de mon nouvel amour, mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour. Je m'en fais peut-être une trop belle image. Elle m'est apparue avec trop d'avantages. Narcisse, qu'en dis-tu? Narcisse, quoi, Seigneur? Croira-t-on qu'elle ait pu si longtemps se cacher à Néron? Néron, tu le sais bien, Narcisse. Et soit que sa colère m'imputât le malheur qui lui ravit son frère, soit que son cœur, jaloux d'une austère fierté, enviât à nos yeux sa naissante beauté, fidèle à sa douleur et dans l'ombre enfermée, elle se dérobait même à sa renommée. Et c'est cette vertu, si nouvelle à la cour, dont la persévérance irrite mon amour, quoi, Narcisse? Tandis qu'il n'est point de romaine que mon amour n'honore et ne rende plus vaine, qui, dès qu'à ses regards elle ose se fier, sur le cœur de César ne les vienne essayer, seule dans son palais, la modeste Junie regarde ses honneurs comme une ignominie, fuit, et ne daigne pas peut-être s'informer si César est aimable, ou bien s'il sait aimer. Dis-moi, Britannicus, l'aime-t-il? Quoi, s'il l'aime, Seigneur? Si jeune encore se connaît-il lui-même, d'un regard enchanteur, connaît-il le poison? Narcisse. Seigneur, l'amour toujours n'attend pas la raison. N'en doutez point, il l'aime. Instruit par tant de charme, ses yeux sont déjà faits à l'usage des larmes, à ses moindres désirs, il sait s'accommoder, et peut-être déjà s'est-il persuadé. Héron, que dis-tu? Sur son cœur, il aurait quelque empire? Je ne sais. Mais, Seigneur, ce que je vous puis dire, je l'ai vu quelquefois s'arracher de ses lieux, le cœur plein d'un courroux qu'il cachait à vos yeux, d'une cour qu'il fuit, pleurant l'ingratitude, là, de votre grandeur et de sa servitude, entre l'impatience et la crainte flottant, il allait voir Junie et revenait content. Néron. D'autant plus malheureux qu'il aura su lui plaire, Narcisse. Il doit plutôt souhaiter sa colère. Néron, impunément, ne sera pas jaloux. Narcisse, vous! Et de quoi, Seigneur, vous inquiétez-vous? Junie a pu le plaindre et partager ses peines. Elle n'a vu couler de larmes que les siennes. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ses yeux dessillés, regardant de plus près l'éclat dont vous brillez, verront autour de vous les rois sans diadème, inconnus, dans la foule. Et son amant lui-même, attaché sur vos yeux, s'honoré d'un regard que vous aurez sur eux fait tomber au hasard. Quand elle vous verra de ce degré de gloire, venir en soupirant avouer sa victoire, maître, n'en doutez point, d'un cœur déjà charmé, commandez qu'on vous aime. Et vous serez aimé, Néron. À combien de chagrins il faut que je m'apprête? Que d'importunités! Narcisse, quoi donc qui vous arrête, Seigneur? Néron, tout! Octavie, Agrippine, Burrus, Sénèque, Rome entière et 3 ans de vertu. Non que pour Octavie un reste de tendresse m'attache à son hymen ou plaigne sa jeunesse! Mes yeux, depuis longtemps, fatigués de ses soins, rarement de ses pleurs, daignent être témoins trop heureux, si bientôt la faveur d'un divorce me soulageait d'un joug qu'on m'imposa par force. Le ciel même, en secret, semble la condamner. Ses vœux, depuis 4 ans, ont beau l'importuner. Les dieux ne montrent pas que sa vertu les touche d'aucun gage. Narcisse, il n'honore sa couche. L'Empire, vainement, demande un héritier. Narcisse, que tardez-vous, Seigneur, à la répudier? L'Empire, votre cœur, tout condamne Octavie. Auguste, votre aïeul, soupirait pour Livie. Par un double divorce, ils s'unirent tous deux. Et vous devez l'Empire à ce divorce heureux. Tibère, que l'hymen plaça dans sa famille, osa bien à ses yeux répudier sa fille. Vous seul, jusque ici, contraire à vos désirs, n'osez, par un divorce, assurer vos plaisirs. Néron, et ne connais-tu pas l'implacable Agrippine? Mon amour inquiet déjà se l'imagine qui m'amène Octavie d'un œil enflammé, atteste les seins droits d'un nœud qu'elle a formé, et portant à mon cœur des atteintes plus rudes, me fait un long récit de mes ingratitudes. De quel front soutenir ce fâcheux entretien? Narcisse, n'êtes-vous pas, Seigneur, votre maître et le sien? Vous verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle, vivez, régnez pour vous. C'est trop régner pour elle, craignez-vous? Mais, Seigneur, vous ne la craignez pas. Vous venez de bannir le superbe Pallas, Pallas dont vous savez qu'elle soutient l'audace. Néron, éloigné de ses yeux, j'ordonne, je menace. J'écoute vos conseils, j'ose les approuver, je m'excite contre elle et tâche à la braver, mais... Je t'expose ici mon âme, toute nue. Sitôt que mon malheur me ramène à sa vue, soit que je n'ose encore démentir le pouvoir de ses yeux, où j'ai lu si longtemps mon devoir, soit qu'à tant de bienfaits, ma mémoire fidèle lui soumette en secret tout ce que je tiens d'elle, mais enfin, mes efforts ne me servent de rien. Mon génie étonné tremble devant le sien, et c'est pour m'affranchir de cette dépendance que je la fuis partout, que même je l'offense, et que de temps en temps, j'irrite ses ennuis afin qu'elle m'évite autant que je la fuis. Mais je t'arrête trop, retire-toi, Narcisse. Britannicus pourrait t'accuser d'artifice. Narcisse, non, non. Britannicus s'abandonne à ma foi. Par son ordre, Seigneur, il croit que je vous vois, que je m'informe ici de tout ce qui le touche et veut, de vos secrets, être instruit par ma bouche. Impatient surtout de revoir ses amours, il attend de mes soins ce fidèle secours. Néron, j'y consens. Porte-lui cette douce nouvelle. Il la verra. Narcisse, Seigneur, bannissez-le loin d'elle. J'ai mes raisons, Narcisse. Et tu peux concevoir que je lui vendrai cher le plaisir de la voir. Cependant, vante-lui ton heureux stratagème. Dis-lui qu'en sa faveur, on me trompe moi-même, qu'il la voit sans mon ordre. On ouvre, la voici. Va retrouver ton maître et l'amener ici. Scène 3, Néron, Junie. Néron. Vous troublez, madame, et changez de visage? Lisez-vous dans mes yeux quelque triste présage? Junie. Seigneur, je ne vous puis déguiser mon erreur. J'allais voir Octavie et non pas l'empereur. Je le sais bien, madame. Et n'ai pu, sans envie, apprendre vos bontés pour l'heureuse Octavie, vous, Seigneur. Pensez-vous, madame, qu'en ces lieux, seul pour vous connaître, Octavie ait des yeux? Et quel autre, Seigneur, voulez-vous que j'implore? À qui demanderai-je un crime que j'ignore? Vous qui le punissez, vous ne l'ignorez pas, de grâce. Apprenez-moi, Seigneur, mes attentats. Quoi, madame? Est-ce donc une légère offense de m'avoir si longtemps caché votre présence? C'est trésor dont le ciel voulut vous embellir, les avez-vous reçus pour les ensevelir? L'heureux Britannicus verra-t-il sans alarme croître loin de vos yeux son amour et vos charmes? Pourquoi, de cette gloire exclue jusqu'à ce jour, m'avez-vous sans pitié relégué dans ma cour? On dit plus. Vous souffrez. Sans en être offensé qu'il vous ose, madame, expliquer sa pensée, car je ne croirais point que sans me consulter, La sévère Junie ait voulu le flatter, ni qu'elle ait consenti d'aimer ou d'être aimée, sans que j'en sois instruit que par la renommée. Je ne vous nierai point, Seigneur, que ces soupirs m'ont daigné quelquefois expliquer ses désirs. Il n'a point détourné son regard d'une fille, seul reste du débris d'une illustre famille. Peut-être il se souvient qu'en un temps plus heureux, son père me nomma pour l'objet de ses vœux. Il m'aime. Il obéit à l'empereur, son père, et j'ose dire encore à vous, à votre mère. Vos désirs sont toujours si conformes aux siens. Ma mère a ses desseins, madame, et j'ai les miens. Ne parlons plus ici de Claude et d'Agrippine. N'est point par mon choix que je me détermine. C'est à moi seul, madame, à répondre de vous, et je veux, de ma main, vous choisir un époux. Oh, Seigneur, songez-vous que toute autre alliance fera honte au César, auteur de ma naissance. Non, madame. L'époux dont je vous entretiens peut sans honte assembler vos aïeux et les siens. Vous pouvez, sans rougir, consentir à sa flamme. Et quel est donc, Seigneur, cet époux? Moi, madame. Vous! Je vous nommerai, madame, un autre nom, si j'en savais quelque autre, au-dessus de Néron. Oui. Pour vous faire un choix où vous puissiez souscrire, j'ai parcouru des yeux la cour, Rome et l'Empire. Plus j'ai cherché, madame, et plus je cherche encore, en quelle main je dois confier ce trésor, plus je vois que César, digne seul de vous plaire, en doit être lui seul l'heureux dépositaire, et ne peut dignement vous confier qu'aux mains à qui Rome a commis l'Empire des humains. Vous-même. Consultez vos premières années. Claudius, à son fils, les avait destinées, mais c'était en un temps où de l'Empire entier, il croyait quelque jour le nommer l'héritier. Les dieux ont prononcé. Loin de leur contredire, c'est à vous de passer du côté de l'Empire. En vain de ce présent il m'aurait honoré si votre cœur devait en être séparé, si tant de soins ne sont adoucis par vos charmes, si, tandis que je donne aux veilles, aux alarmes, des jours toujours à plaindre et toujours enviés, je ne vais quelquefois respirer à vos pieds. Qu'Octavie, à vos yeux, ne fasse point d'ombrage. Rome, aussi bien que moi, vous donne son suffrage, répudie Octavie, et me fait dénouer un hymen que le ciel ne veut point avouer. Songez-y donc, madame, et pesez en vous-même ce choix, digne des soins d'un prince qui vous aime, digne de vos beaux yeux trop longtemps captivés, digne de l'univers à qui vous vous devez. Junie. Seigneur, avec raison, je demeure étonné. Je me vois, dans le cours d'une même journée, comme une criminelle amenée en ces lieux, et lorsqu'avec frayeur je parais à vos yeux que, sur mon innocence, à peine je me fie, vous m'offrez tout d'un coup la place d'Octavie. J'ose dire, Seigneur, que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Et pouvez-vous, Seigneur, souhaiter qu'une fille qui vit presque en naissant éteindre sa famille, qui, dans l'obscurité nourrissant sa douleur, s'est faite une vertu conforme à son malheur, passe subitement de cette nuit profonde dans un rang qui l'expose aux yeux de tout le monde, dont je n'ai pu de loin soutenir la clarté, mais dont une autre, enfin, remplit la majesté? Je vous ai déjà dit que je la répudie. Ayez moins de frayeur ou moins de modestie. N'accusez point ici mon choix d'aveuglement, je vous réponds de vous. Consentez seulement. Du sang dont vous sortez, rappelez la mémoire et ne préférez point à la solide gloire des honneurs dont César prétend vous revêtir la gloire d'un refus sujet au repentir. Junie, le ciel connaît, Seigneur, le fond de ma pensée. Je ne me flatte point d'une gloire insensée. Je sais de vos présents mesurer la grandeur. Mais plus ce rang sur moi répandrait de splendeur, plus il me ferait honte et mettrait en lumière le crime d'en avoir dépouillé l'héritière. C'est de ses intérêts prendre beaucoup de soin, madame. L'amitié ne peut aller plus loin. Mais ne nous flattons point et laissons le mystère. La sœur vous touche ici beaucoup moins que le frère. Et pour Britannicus, il a su me toucher, Seigneur. Et je n'ai point prétendu m'en cacher. Cette sincérité sans doute est peu discrète, mais toujours, de mon cœur, ma bouche, elle interprète. Absente de la cour, je n'ai pas dû penser, Seigneur, qu'en l'art de feindre, Il fallut m'exercer. J'aime Britannicus. Je lui fus destiné quand l'Empire devait suivre son Hyménée. Mais ces mêmes malheurs qui l'en ont écarté. Ses honneurs abolis, son palais déserté, la fuite d'une cour que sa chute a bannie, sont autant de liens qui retiennent Junie. Tout ce que vous voyez conspire à vos désirs. Vos jours, toujours sereins, coulent dans les plaisirs. L'Empire en est pour vous l'inépuisable source. Ou si quelque chagrin en interrompt la course, tout l'univers, jaloux de les entretenir, s'empresse à l'effacer de votre souvenir. Britannicus est seul. Quelque ennui qu'il presse, il ne voit dans son sort que moi qui s'intéresse. Et n'a pour tout plaisir, Seigneur, que quelques pleurs qui lui font quelquefois oublier ses malheurs. Néron, et ce sont ses plaisirs et ses pleurs que j'envie, que tout autre que lui me paierait de sa vie. Mais je garde à ce prince un traitement plus doux. Madame, il va bientôt paraître devant vous. Oh, Seigneur, vos vertus m'ont toujours rassuré. Je pouvais, de ces lieux, lui défendre l'entrée. Mais, madame, je veux prévenir le danger où son ressentiment le pourrait engager. Je ne veux point le perdre. Il vaut mieux que lui-même entende son arrêt de la bouche qu'il aime. Si ses jours vous sont chers, éloignez-le de vous, sans qu'il ait aucun lieu de me croire jaloux. De son bannissement, prenez sur vous l'offense, et soit par vos discours, soit par votre silence, du moins par vos froideurs. Faites-lui concevoir qu'il doit porter ailleurs ses vœux et son espoir. Junie, moi, que je lui prononce un arrêt si sévère, ma bouche mille fois lui jura le contraire. Quand même jusque-là je pourrais me trahir, mes yeux lui défendront, Seigneur, de m'obéir. N'iront cachés près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. Vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets, et sa perte sera l'infaillible salaire d'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire. Junie, hélas, si j'ose encore former quelque souhait, Seigneur, permettez-moi de ne le voir jamais. Narcisse, Britannicus, Seigneur, demande la princesse. Il approche. Néron, qu'il vienne, Julie. Ah, Seigneur. Néron, je vous laisse. Sa fortune dépend de vous, plus que de moi. Madame, en le voyant, songez que je vous vois. Junie, oh, cher Narcisse, cours au-devant de ton maître, dis-lui. Je suis perdu et je le vois paraître. Britannicus, madame, quel bonheur me rapproche de vous. Quoi, je puis donc jouir d'un entretien si doux? Mais parmi ce plaisir, quel chagrin me dévore. Hélas, puis-je espérer de vous revoir encore? Faut-il que je dérobe avec mille détours un bonheur que vos yeux m'accordaient tous les jours? Quelle nuit, quel réveil. Vos pleurs, votre présence n'ont point de ces cruels désarmés l'insolence que faisait votre amant? Quel démon envieux m'a refusé l'honneur de mourir à vos yeux? Hélas, dans la frayeur dont vous étiez atteinte, m'avez-vous en secret adressé quelques plaintes, ma princesse? Avez-vous daigné me souhaiter? Songiez-vous aux douleurs que vous m'alliez coûter? Vous ne me dites rien? Quel accueil! Quelle glace! Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce? Parlez! Nous sommes seuls. Notre ennemi trompé, tandis que je vous parle, est ailleurs occupé. Ménageons les moments de cette heureuse absence. Junie, vous êtes dans des lieux tout pleins de sa puissance. Ces murs même, Seigneur, peuvent avoir des yeux. Et jamais l'empereur n'est absent de ces lieux. Britannicus, et depuis quand, madame, êtes-vous si craintive? Quoi, déjà, votre amour souffre qu'on le captive. Qu'est devenu ce cœur qui me jurait toujours de faire à Néron même envier nos amours? Mais bannissez, madame, une inutile crainte. La foi dans tous les cœurs n'est pas encore éteinte. Chacun semble des yeux approuver mon courroux. La mère de Néron se déclare pour nous. Rome, de sa conduite elle-même offensée. Oh, Seigneur! Vous parlez contre votre pensée. Vous-même, vous m'avez avoué mille fois que Rome le louait d'une commune voix. Toujours à sa vertu, vous rendiez quelque hommage. Sans doute la douleur vous dicte ce langage, Britannicus. Ce discours me surprend, il le faut avouer. Je ne vous cherchais pas pour l'entendre louer. Quoi, pour vous confier la douleur qui m'accable, À peine je dérobe un moment favorable, et ce moment si cher, madame, est consumé à louer l'ennemi dont je suis opprimé. Qui vous rend à vous-même en un jour si contraire? Quoi? Même vos regards ont appris à se taire. Que vois-je? Vous craignez de rencontrer mes yeux? Néron, vous plairait-il? Vous serais-je odieux? Ah, si je le croyais! Au nom des dieux, madame, éclaircissez le trouble où vous jetez mon âme. Parlez! Ne suis-je plus dans votre souvenir? Junie, retirez-vous, Seigneur. L'empereur va venir. Britannicus, après ce coup, Narcisse, à qui dois-je m'attendre? Néron, madame, Junie, non, Seigneur! Je ne puis rien entendre. Vous êtes obéi? Laissez couler du moins des larmes dont ses yeux ne seront pas témoins. Scène 8, Néron, Narcisse. Néron. Eh bien, de leur amour, tu vois la violence, Narcisse. Elle a paru jusque dans son silence. Elle aime mon rival, je ne puis l'ignorer, mais je mettrai ma joie à le désespérer. Je me fais de sa peine une image charmante. Et je l'ai vue douter du cœur de son amante. Je la suis. Mon rival t'attend pour éclater. Par de nouveaux soupçons, va, cours, le tourmenter. Et tandis qu'à mes yeux, on le pleure, on l'adore. Fais-lui payer bien cher un bonheur qu'il ignore. Narcisse seul. La fortune t'appelle une seconde fois, Narcisse. Voudrais-tu résister à sa voix? Suivant jusque au bout ses ordres favorables. Et pour nous rendre heureux, perdons les misérables. Acte 3. Scène première. Néron Burrus. Burrus. Pallas obéira, Seigneur. Néron, et de quel œil ma mère a-t-elle vu confondre son orgueil? Burrus, ne doutez point, Seigneur, que ce coup ne la frappe, qu'en reproche bientôt sa douleur ne s'échappe, ses transports dès longtemps menacent d'éclater. À d'inutiles cris puisse-t-il s'arrêter? Néron, quoi? De quelque dessein la croyez-vous capable? Burrus, Agrippine, Seigneur, est toujours redoutable. Rome et tous vos soldats révèrent ses aïeux. Germanicus, son père, est présent à leurs yeux. Elle sait son pouvoir. Vous savez son courage. Et ce qui me l'a fait redouter davantage, c'est que vous appuyez vous-même son courroux et que vous lui donnez des armes contre vous. Mais moi, Burrus, cet amour, Seigneur, qui vous possède, je vous entends. Burrus, le mal est sans remède. Mon cœur s'en est plus dit que vous ne m'en direz. Il faut que j'aime enfin. Burrus, vous vous le figurez, Seigneur. Et satisfait de quelque résistance, vous redoutez un mal faible dans sa naissance. Mais si, dans son devoir, votre cœur affermi voulait ne point s'entendre avec ses ennemis, si de vos premiers ans, vous consultiez la gloire, si vous daignez, Seigneur, rappelez la mémoire des vertus d'Octavie, indigne de ce prix et de son chaste amour, vainqueur de vos mépris, surtout si, de Junie, évitant la présence, vous condamniez vos yeux à quelques jours d'absence, croyez-moi, quelque amour qui semble vous charmer, on n'aime point, Seigneur, si l'on ne veut aimer. Néron, je vous croirai, Burrus, lorsque dans les alarmes il faudra soutenir la gloire de nos armes, ou lorsque, plus tranquille, assis dans le Sénat, il faudra décider du destin de l'État, je m'en reposerai sur votre expérience. Mais, croyez-moi, l'amour est une autre science, Burrus, et je ferai quelques difficultés d'abaisser jusque-là votre sévérité. Adieu. Je souffre trop. Éloigné de Junie. Scène 2, Burrus seul. Enfin, Burrus, Néron découvre son génie. Cette férocité que tu croyais fléchir de tes faibles liens est prête à s'affranchir. En quels excès peut-être elle va se répandre? Ah, Dieu, en ce malheur, quel conseil puis-je prendre? Sénèque, dont les soins me devraient soulager, occupé loin de Rome, ignore ce danger. Mais quoi? Si d'Agrippine excitant la tendresse, je pouvais... La voici, son bonheur me l'adresse. Agrippine. Eh bien! Je me trompais, Buruse, dans mes soupçons. Et vous vous signalez par d'illustres leçons, en exil Pallas, dont le crime peut-être est d'avoir à l'Empire élevé votre maître. Vous le savez trop bien, jamais, sans ses avis, Claude, qu'il gouvernait, n'eût adopté mon fils. Que dis-je? À son épouse, on donne une rivale. On a franchi Néron de la foi conjugale. Digne emploi d'un ministre ennemi des flatteurs, choisi pour mettre un frein à ses jeunes ardeurs de les flatter lui-même. Et nourrir dans son âme le mépris de sa mère et l'oubli de sa femme. Burrus, madame, jusqu'ici, c'est trop tôt m'accuser. L'empereur n'a rien fait qu'on ne puisse excuser, n'imputer qu'à Pallas un exil nécessaire. Son orgueil dès longtemps exigeait ce salaire, et l'empereur n'a fait qu'accomplir à regret ce que toute la cour exigeait en secret. Le reste est un malheur qui n'est point sans ressources. Les larmes d'Octavie ont peu tari la source, mais calmez vos transports. Par un chemin plus doux, vous lui pourrez plutôt ramener son époux. Les menaces, les cris le rendront plus farouche. Agrippine, ah, l'on s'efforce en vain de me fermer la bouche. Je vois que mon silence irrite vos dédains, et c'est trop respecter l'ouvrage de mes mains. Pallas n'emporte pas tout l'appui d'Agrippine. Le ciel m'en laisse assez pour venger ma ruine. Le fils de Claudius commence à ressentir des crimes dont je n'ai que le seul repentir. J'irai, n'en doutez point, le montrer à l'armée. Plaindre aux yeux des soldats son enfance opprimée, leur faire à mon exemple expier leur erreur. On verra d'un côté le fils d'un empereur redemandant la foi jurée à sa famille, et de Germanicus on entendra la fille. De l'autre, on verra le fils d'Enno Barbus appuyé de Sénèque et du tribun Burrus, qui tous deux de l'exil rappelés par moi-même partagent à mes yeux l'autorité suprême. De nos crimes communs, je veux qu'on soit instruit. On saura les chemins par où je les conduis. Pour rendre sa puissance et la vôtre odieuse, j'avouerai les rumeurs les plus injurieuses. Je confesserai tout. Exil, assassinat, poison même. Madame, ils ne vous croiront pas. Ils sauront récuser l'injuste stratagème d'un témoin irrité qui s'accuse lui-même. Pour moi, qui le premier secondais vos desseins, qui fit même jurer l'armée entre ses mains, je ne me repens point de ce zèle sincère. Madame, c'est un fils qui succède à son père. En adoptant Néron, Claudius, par son choix de son fils et du vôtre, a confondu les droits. Rome l'a pu choisir. Ainsi, sans être injuste, elle choisit Tibère, adopté par Auguste. Et le jeune Agrippa, de son sang descendu, se vit exclu du rang vainement prétendu. Sur tant de fondements, sa puissance établie par vous-même aujourd'hui ne peut être affaiblie. Et s'il m'écoute encore, madame, sa bonté vous en fera bientôt perdre la volonté. J'ai commencé, je vais poursuivre mon ouvrage. Scène 4, Agrippine, Albine. Albine, dans quel emportement la douleur vous engage, madame? L'empereur puisse-t-il l'ignorer? Ah, oh, lui-même, à mes yeux, puisse-t-il se montrer? Madame, au nom des dieux, cachez votre colère, quoi? Pour les intérêts de la sœur ou du frère, faut-il sacrifier le repos de vos jours? Contraindrez-vous César jusque dans ses amours? Tu ne vois donc pas jusqu'où l'on me ravale, Albine? C'est à moi qu'on donne une rivale. Bientôt, si je ne romps ce funeste lien, ma place est occupée et je ne suis plus rien. Jusqu'ici, d'un vain titre Octavie honoré, inutile à la cour, en était ignoré. Les grâces, les honneurs, par moi seul versés, m'attiraient des mortels les vœux intéressés. Une autre, de César, a surpris la tendresse. Elle aura le pouvoir d'épouse et de maîtresse, le fruit de tant de soins, la pompe des Césars, tout deviendra le prix d'un seul de ses regards. Que dis-je? Non, mais vite, et déjà délaissé. Ah, je ne puis, Albine, en souffrir la pensée, quand je devrais du ciel hâter l'arrêt fatal. Néron, l'ingrat Néron! Mais voici son rival, Britannicus. Nos ennemis communs ne sont pas invincibles, madame. Nos malheurs trouvent des cœurs sensibles. Vos amis et les miens, jusqu'alors si secrets, tandis que nous perdions le temps en vain regret, animés du courroux qu'allume l'injustice, viennent de confier leur douleur à Narcisse. Néron n'est pas encore tranquille possesseur de l'ingrate qu'il aime au mépris de ma sœur. Si vous êtes toujours sensible à son injure, on peut, dans son devoir, ramener le parjure. La moitié du Sénat s'intéresse pour nous. Sylla, Pison, Plautus, Agrippine, Prince, que dites-vous? Sylla, Pison, Plautus, les chefs de la noblesse! Britannicus. Madame, je vois bien que ce discours vous blesse et que votre courroux tremblant, irrésolu, craint déjà d'obtenir tout ce qu'il a voulu. Non. Vous avez trop bien établi ma disgrâce. D'aucun ami pour moi ne redoutait l'audace. Il ne m'en reste plus. Et vos soins trop prudents les ont tous écartés ou séduits dès longtemps. Agrippine. Seigneur, à vos soupçons, donnez-moi une créance. Notre salut dépend de notre intelligence. J'ai promis, il suffit. Malgré vos ennemis, je ne révoque rien de ce que j'ai promis. Le coupable Néron fut en vain ma colère. Tôt ou tard, il faudra qu'il entende sa mère. J'essaierai tour à tour la force et la douceur, ou moi-même, avec moi conduisant votre sœur, j'irai semer partout ma crainte et ses alarmes et ranger tous les cœurs du parti de ses larmes. Adieu. J'assiégerai Néron de toutes parts. Vous, si vous m'en croyez, évitez ses regards. Scène 6. Britannicus Narcisse. Britannicus. Ne m'as-tu point flatté d'une fausse espérance? Puis-je sur ton récit fonder quelque assurance, Narcisse? Oui. Mais, Seigneur, ce n'est pas en ces lieux qu'il faut développer ce mystère à vos yeux. Sortons. Qu'attendez-vous? Ce que j'attends, Narcisse. Hélas. Expliquez-vous! Si, par ton artifice, je pouvais revoir... Qui? Jean rougit. Mais enfin, d'un cœur moins agité, j'attendrai mon destin. Après tous mes discours, vous la croyez fidèle. Non! Je la crois, Narcisse, ingrate, criminelle, digne de mon courroux. Mais je sens malgré moi que je ne le crois pas autant que je le dois. Dans ses égarements, mon cœur opiniâtre lui prête des raisons, l'excuse, l'idolâtre. Je voudrais vaincre enfin mon incrédulité. Je la voudrais haïr avec tranquillité. Et qui croira qu'un cœur si grand en apparence, d'une infidèle cour ennemie dès l'enfance, renonce à tant de gloire, et dès le premier jour trame une perfidie inouïe à la cour? Narcisse. Et qui sait si l'ingrate en sa longue retraite n'a point de l'empereur médité la défaite? Trop sûr que ses yeux ne pouvaient se cacher, peut-être elle fuyait pour se faire chercher, pour exciter Néron par la gloire pénible de vaincre une fierté jusqu'alors invincible. Britannicus, je ne la puis donc voir. Narcisse, Seigneur, en ce moment, elle reçoit les vœux de son nouvel amant. Britannicus. Eh bien, Narcisse, allons. Mais que vois-je? C'est elle? Narcisse, oh Dieu! À l'empereur portons cette nouvelle. Scène 7, Britannicus Junie. Junie, retirez-vous, Seigneur, et fuyez un courroux que ma persévérance allume contre vous. Néron est irrité. Je me suis échappé tandis qu'à l'arrêter, sa mère est occupée. Adieu. Réservez-vous, sans blesser mon amour, au plaisir de me voir justifier un jour. Votre image sans cesse est présente à mon âme. Rien ne l'en peut bannir, Britannicus. Je vous entends, madame. Vous voulez que ma fuite assure vos désirs, que je laisse un champ libre à vos nouveaux soupirs. Sans doute en me voyant, une pudeur secrète ne vous laisse goûter qu'une joie inquiète. Eh bien, il faut partir, Junie, Seigneur, sans m'imputer, Britannicus. Oh! Vous deviez du moins plus longtemps disputer. Je ne murmure point qu'une amitié commune se range du parti que flatte la fortune, que l'éclat d'un empire ait pu vous éblouir, qu'au dépens de ma sœur, vous en vouliez jouir. Mais que de ces grandeurs, comme une autre occupée, vous m'en ayez paru si longtemps détrompée, non. Je l'avoue encore, mon cœur désespéré contre ce seul malheur n'était point préparé. J'ai vu sur ma ruine élever l'injustice. De mes persécuteurs, j'ai vu le ciel complice. Tant d'horreurs n'avaient point épuisé son courroux, madame. Il me restait d'être oublié de vous, Junie. Dans un temps plus heureux, ma juste impatience vous ferait repentir de votre défiance. Mais Néron vous menace. En ce pressant danger, Seigneur, j'ai d'autres soins que de vous affliger. Allez, rassurez-vous et cessez de vous plaindre. Néron nous écoutait et m'ordonnait de feindre. Britannicus, quoi, le cruel? Témoin de tout notre entretien, d'un visage sévère examinait le mien, prêt à faire sur vous éclater la vengeance d'un geste, confident de notre intelligence. Britannicus, Néron nous écoutait, madame! Mais, hélas, Vos yeux auraient pu feindre et ne m'abusez pas. Ils pouvaient me nommer l'auteur de cet outrage. L'amour est-il muet ou n'a-t-il qu'un langage? De quel trouble un regard pouvait me préserver? Il fallait, je dis, il fallait me taire et vous sauver. Combien de fois, hélas, puisqu'il faut vous le dire, mon cœur de son désordre allait-il vous instruire? De combien de soupirs interrompant le cours ai-je évité vos yeux que je cherchais toujours? Quel tourment de se taire en voyant ce qu'on aime, de l'entendre gémir, de l'affliger soi-même lorsque, par un regard, on peut le consoler. Mais quels pleurs ce regard aurait-il fait couler? Oh, dans ce souvenir inquiet, troublé, je ne me sentais pas assez dissimulé. De mon front effrayé, je craignais la pâleur. Je trouvais mes regards trop pleins de ma douleur. Sans cesse, il me semblait que Néron, en colère, me venait reprocher trop de soin de vous plaire. Je craignais mon amour vainement renfermé. Enfin, j'aurais voulu n'avoir jamais aimé. Hélas, pour son bonheur, Seigneur, et pour le vôtre, il n'est que trop instruit de mon cœur et du vôtre. Allez, encore un coup, cachez-vous à ses yeux. Mon cœur, plus à loisir, vous éclaircira mieux. De mille autres secrets, j'aurai compte à vous rendre, Britannicus. Ah, oh, n'en voilà que trop. C'est trop me faire entendre, madame. Mon bonheur, mon crime, vos bontés. Et savez-vous pour moi tout ce que vous quittez? Quand pourrais-je, à vos pieds, expier ce reproche? Junie, que faites-vous? Hélas, votre rival s'approche. Néron, prince! Continuez d'être en sport si charmant. Je conçois vos bontés par ces remerciements, madame. À vos genoux, je viens de le surprendre, mais il aurait aussi quelques grâces à me rendre, ce lieu le favorise. Et je vous y retiens pour lui faciliter de si doux entretiens. Britannicus, je puis mettre à ses pieds ma douleur ou ma joie partout où sa bonté consent que je la vois. Et l'aspect de ces lieux où vous la retenez n'a rien dont mes regards doivent être étonnés. Néron. Et que vous montre-t-il qui ne vous avertisse qu'il faut qu'on me respecte et que l'on m'obéisse, Britannicus? Ils ne nous ont pas vus l'un et l'autre élevés, moi pour vous obéir et vous pour me braver. Et ne s'attendez pas, lorsqu'ils nous virent naître, qu'un jour Domitius me dut parler en maître, Néron. Ainsi, par le destin, nos voeux sont traversés. J'obéissais alors. Et vous obéissez. Si vous n'avez appris à vous laisser conduire, vous êtes jeune encore et l'on peut vous instruire. Et qui m'en instruira? Tout l'Empire à la fois. Rome, Rome! Rome met-elle au nombre de vos droits tout ce qu'a de cruel l'injustice et la force, les empoisonnements, le rapt et le divorce? Néron, Rome ne porte point ses regards curieux jusque dans les secrets que je cache à ses yeux. Imitez son respect, Britannicus, on sait ce qu'elle en pense, Néron. Elle se tait du moins. Imitez son silence, Britannicus. Ainsi Néron commence à ne se plus forcer. Néron, de vos discours commence à se lasser. Chacun devait bénir le bonheur de son règne. Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne. Je connais mal Junie, où de tels sentiments ne mériteront pas ses applaudissements. Du moins, si je ne sais le secret de lui plaire, je sais l'art de punir un rival téméraire. Pour moi, quelque péril qui me puisse accabler, sa seule inimitié peut me faire trembler. Souhaitez-la, c'est tout ce que je vous puis dire. Le bonheur de lui plaire est le seul où j'aspire. Elle vous l'a promis, vous lui plairez toujours. Je ne sais pas du moins épier ses discours. Je la laisse expliquer sur tout ce qui me touche et ne me cache point pour lui fermer la bouche. Néron, je vous entends. Eh bien, garde, Junie, que faites-vous? C'est votre frère, hélas, c'est un amant jaloux. Seigneur, mille malheurs persécutent sa vie. Oh, son bonheur peut-il exciter votre envie? Souffrez que de vos cœurs rapprochant les liens, je me cache à vos yeux et me dérobe aux siens. Ma fuite arrêtera vos discordes fatales, Seigneur. J'irai remplir le nombre des vestales. Ne lui disputez plus mes vœux infortunés. Souffrez que les dieux seuls en soient importunés. Néron. L'entreprise, madame, est étrange et soudaine. Dans son appartement, garde, qu'on la ramène. Gardez Britannicus dans celui de sa sœur. Britannicus, c'est ainsi que Néron sait disputer un cœur. Junie, prince, sans l'irriter, cédons à cet orage. Néron, garde, obéissez, sans tarder davantage. Burrus, que vois-je au ciel, Néron? Ainsi, leurs feux sont redoublés. Je reconnais la main qui les a rassemblés. Agrippine ne s'est présentée à ma vue, ne s'est, dans ses discours si longtemps étendus, que pour faire jouer ce ressort odieux. Qu'on sache si ma mère est encore en ces lieux, Burrus. Dans ce palais, je veux qu'on la retienne. Et qu'au lieu de sa garde, on lui donne la mienne. Burrus, quoi, Seigneur? Sans louir, une mère? Arrêtez! J'ignore quel projet, Burrus, vous méditez. Eh, depuis quelques jours, tout ce que je désire trouve en vous un censeur prêt à me contredire. Répondez-m'en, vous dis-je, ou sur votre refus, d'autres me répondront, et d'elle, et de Burrus. Acte 4, scène première, Agrippine Burrus. Burrus. Oui, madame. À loisir, vous pourrez vous défendre. César lui-même ici consent de vous entendre. Si son ordre au palais vous a fait retenir, c'est peut-être à dessein de vous entretenir. Quoi qu'il en soit, si j'ose expliquer ma pensée, ne vous souvenez plus qu'il vous est offensé. Préparez-vous plutôt à lui tendre les bras. Défendez-vous, madame, et ne l'accusez pas. Vous voyez, c'est lui seul que la cour envisage. Quoi qu'il soit votre fils et même votre ouvrage, il est votre empereur. Vous êtes comme nous sujettes à ce pouvoir qu'il a reçu de vous. Selon qu'il vous menace ou bien qu'il vous caresse, la cour autour de vous ou s'écarte ou s'empresse. C'est son appui qu'on cherche en cherchant votre appui. Mais voici l'empereur, Agrippine. Qu'on me laisse avec lui. Scène 2, Agrippine, Néron. Agrippine. Approchez-vous, Néron, et prenez votre place. On veut, sur vos soupçons, que je vous satisfasse. J'ignore de quel crime on a pu me noircir, de tout ce que j'ai fait, je vais vous éclaircir. Vous régnez. Vous savez combien votre naissance entre l'Empire et vous avait mis de distance. Les droits de mes aïeux que Rome a consacrés étaient même, sans moi, d'inutiles degrés. Quand de Britannicus la mère condamnée laissa de Claudius disputer l'Hyménée, parmi tant de beautés qui briguèrent son choix, qui de ses affranchis mendièrent les voies, je souhaitais son lit dans la seule pensée de vous laisser au trône où je serais placé. Je fléchis mon orgueil. J'allais prier Pallas. Son maître, chaque jour caressé dans mes bras, prit insensiblement dans les yeux de sa nièce l'amour où je voulais amener sa tendresse. Mais ce lien du sang qui nous joignait tous deux écartait Claudius d'un lit incestueux. Il n'osait épouser la fille de son frère. Le Sénat fut séduit. Une loi moins sévère mit Claude dans mon lit et Rome à mes genoux. C'était beaucoup pour moi, ce n'était rien pour vous. Je vous fis sur mes pas entrer dans sa famille. Je vous nommai son gendre et vous donnai sa fille. Silanus, qu'il aimait, s'en vit abandonner et marqua de son sang ce jour infortuné. Ce n'était rien encore. Eussiez-vous pu prétendre qu'un jour Claude, à son fils, pût préférer son gendre? De ce même Pallas, j'implorai le secours. Claude vous adopta, vaincu par ses discours, vous appela Néron et, du pouvoir suprême, voulut, avant le temps, vous faire part lui-même. C'est alors que chacun, rappelant le passé, découvrit mon dessein, déjà trop avancé. Que de Britannicus, la disgrâce future des amis de son père, excita le murmure. Mes promesses aux uns éblouirent les yeux. L'exil me délivra des plus séditieux. Claude même, lassé de ma plainte éternelle, éloigna de son fils tous ceux de qui le zèle, engagé dès longtemps à suivre son destin, pouvait, du trône encore, lui rouvrir le chemin. Je fis plus. Je choisis moi-même, dans ma suite, ceux à qui je voulais qu'on livrât sa conduite. J'eus soin de vous nommer par un contraire choix des gouverneurs que Rome honorait de sa voix. Je fus sourd à la brigue et crus la renommée. J'appelai de l'exil, je tirai de l'armée, et ce même Sénèque, et ce même Burrus qui, depuis... Rome alors estimait leur vertu. Claude, en même temps, épuisant les richesses, ma main, sous votre nom, répandait ses largesses. Les spectacles, les dons, invincibles appâts, vous attiraient les cœurs du peuple et des soldats qui, d'ailleurs, réveillant leur tendresse première, favorisaient en vous Germanicus, mon père. Cependant, Claudius penchait vers son déclin. Ses yeux l'ont enfermé, s'ouvrirent à la fin. Il connut son erreur. Occupé de sa crainte, il laissa pour son fils échapper quelques plaintes et voulut, mais trop tard, assembler ses amis, ses gardes, son palais, son lit m'étaient soumis. Je lui laissais sans fruit consumer sa tendresse. De ses derniers soupirs, je me rendis maîtresse. Mes soins, en apparence épargnant ses douleurs, de son fils, en mourant, lui cachèrent les pleurs. Il mourut. Mille bruits en courent à ma honte. J'arrêtai de sa mort la nouvelle trop prompte. Et tandis que Burrus allait secrètement de l'armée en vos mains exiger le serment, que vous marchiez au camp conduit sous mes auspices, dans Rome, les autels fumaient de sacrifices. Par mes ordres trompeurs, tout le peuple excité du prince déjà mort demandait la santé. Enfin, des légions, l'entière obéissance ayant de votre empire affermi la puissance, on vit Claude. Et le peuple, étonné de son sort, apprit en même temps votre règne et sa mort. C'est le sincère aveu que je voulais vous faire. Voilà tous mes forfaits. En voici le salaire. Du fruit de tant de soins à peine jouissant, l'avez-vous, 6 mois, paru reconnaissant. Que lassé d'un respect qui vous gênait, peut-être, vous avez affecté de ne me plus connaître. J'ai vu Burrus, Sénèque, et grissant vos soupçons, de l'infidélité vous tracez des leçons, ravis d'être vaincus dans leur propre science. J'ai vu, favorisé de votre confiance, Othon, Sénétion, jeune voluptueux, et de tous vos plaisirs flatteurs, respectueux. Et lorsque vos mépris excitant mes murmures, je vous ai demandé raison de tant d'injures, seul recours d'un ingrat qui se voit confondu, par de nouveaux affronts, vous m'avez répondu aujourd'hui. Je promets Junie à votre frère, ils se flattent tous deux du choix de votre mère. Que faites-vous? Junie, enlevée à la cour, devient en une nuit l'objet de votre amour. Je vois de votre cœur Octavie effacée, prête à sortir du lit où je l'avais placée. Je vois Pallas Pani, votre frère arrêté. Vous attendez enfin jusqu'à ma liberté. Burrus ose sur moi porter ses mains hardies. Et lorsque, convaincu de tant de perfidie, vous deviez ne me voir que pour les expier, c'est vous qui m'ordonnez de me justifier. Néron, je me souviens toujours que je vous dois l'Empire. Et sans vous fatiguer du soin de le redire, votre bonté, madame, avec tranquillité, pouvait se reposer sur ma fidélité. Aussi bien, ces soupçons, ces plaintes assidues, ont fait croire à tous ceux qui les ont entendus que jadis, j'ose ici vous le dire entre nous, vous n'aviez, sous mon nom, travaillé que pour vous. Tant d'honneur, disait-il, et tant de récompense, sens de ses bienfaits de faible déférence, quel crime a donc commis ce fils tant condamné? Est-ce pour obéir qu'elle l'a couronné? N'est-il de son pouvoir que le dépositaire? Non, que si jusque-là j'avais pu vous complaire, je n'eusse pris plaisir, madame, à vous céder ce pouvoir que vos cris semblaient redemander. Mais Rome veut un maître et non une maîtresse. Vous entendiez les cris qu'excitait ma faiblesse, le Sénat chaque jour, et le peuple, irrité de souillir par ma voix, dictait vos volontés, publiait qu'en mourant, Claude, avec sa puissance, m'avait encore laissé sa simple obéissance. Vous avez vu 100 fois nos soldats en courroux porter en murmurant leurs aigles devant vous, honteux de rabaisser par cet indigne usage les héros dont encore elles portent l'image. Tout autre se serait rendu à leur discours, mais si vous ne régniez, vous vous plaignez toujours. Avec Britannicus contre moi réuni, vous le fortifiez du parti de Junie. Et la main de Pallas trame tous ses complots. Et lorsque, malgré moi, j'assure mon repos, on vous voit de colère et de haine animée, vous voulez présenter mon rival à l'armée. Déjà, jusqu'au camp, le bruit en a couru. Agrippine, moi, le fer empereur, ingrat, l'avez-vous cru? Quel serait mon dessein? Qu'aurais-je pu prétendre? Quels honneurs dans sa cour, quel rang pourrais-je attendre? Ah, si sous votre empire on ne m'épargne pas, si mes accusateurs observent tous mes pas, si de leur empereur ils poursuivent la mer, que ferais-je au milieu d'une cour étrangère? Ils me reprocheraient non des cris impuissants, des desseins, étouffés aussitôt que naissants, mais des cris pour vous commis à votre vue et dont je ne serai que trop tôt convaincu. Vous ne me trompez point. Je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat. Vous le fûtes toujours. Dès vos plus jeunes ans, mes soins et mes tendresses n'ont arraché de vous que de feintes caresses. Rien ne vous a pu vaincre. Et votre dureté aurait dû, dans son cours, arrêter ma bonté. Que je suis malheureuse. Et par quelle infortune faut-il que tous mes soins me rendent importune? Je n'ai qu'un fils. Oh, ciel, qui m'entends aujourd'hui, t'ai-je fait quelques vœux qui ne fussent pour lui? Remords, craintes, périls, rien ne m'a retenu. J'ai vaincu ses mépris, j'ai détourné ma vue des malheurs qui dès lors me furent annoncés. J'ai fait ce que j'ai pu, vous régner, c'est assez. Avec ma liberté que vous m'avez ravie, si vous le souhaitez, prenez encore ma vie, pourvu que par ma mort tout le peuple irrité ne vous ravisse pas ce qui m'a tant coûté. Néron. Eh bien donc, prononcez. Que voulez-vous qu'on fasse, Agapine? De mes accusateurs qu'on punisse l'audace. Que de Britannicus on calme le courroux. Que Junie, à son choix, puisse prendre un époux. Qu'ils soient libres tous deux. Et que Pallas demeure. Que vous me permettiez de vous voir à toute heure. Que ce même Burrhus qui nous vient écouter à votre porte, enfin, n'ose plus m'arrêter. Néron. Oui, madame. Je veux que ma reconnaissance désormais dans les cœurs grave votre puissance. Et je bénis déjà cette heureuse froideur qui, de notre amitié, va rallumer l'ardeur. Quoi que Pallas ait fait, il suffit. Je l'oublie. Avec Britannicus, je me réconcilie, et quant à cet amour qui nous a séparés, je vous fais notre arbitre, et vous nous jugerez. Allez donc, et portez cette joie à mon frère. Garde ! Qu'on obéisse aux ordres de ma mère. Scène 3. Néron, Burrhus. Burrhus, que cette paix, Seigneur, et ces embrassements m'ont offrir à mes yeux de spectacles charmants. Vous savez, si jamais ma voix lui fut contraire, si de son amitié j'ai voulu vous distraire, et si j'ai mérité cet injuste courroux. Néron, je ne vous flatte point. Je me plaignais de vous, Burrhus. Je vous ai cru tous deux d'intelligence, mais son inimitié vous rend ma confiance. Elle se hâte trop, Burrhus, de triompher. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Burrhus, quoi, Seigneur? C'en est trop! Il faut que sa ruine me délivre à jamais des fureurs d'Agrippine. Tant qu'il respirera, je ne vis qu'ennemi. Elle m'a fatigué de ce nom ennemi. Et je ne prétends pas que sa coupable audace une seconde fois lui promette ma place. Elle va donc bientôt pleurer, Britannicus. Avant la fin du jour, je ne le craindrai plus. Et qui de ce dessein vous inspire l'envie, ma gloire, mon amour, ma sûreté, ma vie? Non! Quoi que vous disiez, cet horrible dessein ne fut jamais, Seigneur, conçu dans votre sein. Burrhus, de votre bouche au ciel, puis-je l'apprendre? Vous-même, sans frémir, avez-vous pu l'entendre? Songez-vous dans quel sang vous allez vous baigner? Néron, dans tous les cœurs, est-il là de régner? Que dira-t-on de vous? Quelle est votre pensée? Néron, quoi? Toujours enchaîné de ma gloire passée, j'aurai devant les yeux je ne sais quel amour que le hasard nous donne, et nous autres, en un jour, soumis à tous leurs vœux, à mes désirs contraires, suis-je leur empereur seulement pour leur plaire? Burrhus, et ne suffit-il pas, Seigneur, à vos souhaits, que le bonheur public soit un de vos bienfaits? C'est à vous à choisir. Vous êtes encore maître. Vertueux jusqu'ici, vous pouvez toujours l'être. Le chemin est tracé. Rien ne vous retient plus. Vous n'avez qu'à marcher de vertus en vertus. Mais si de vos flatteurs vous suivez la maxime, il vous faudra, Seigneur, courir de crime en crime, soutenir vos rigueurs par d'autres cruautés et laver dans le sang vos bras ensanglantés. Britannicus mourant excitera le zèle de ses amis, tout prêts à prendre sa crêle. Ses vengeurs trouveront de nouveaux défenseurs, qui même après leur mort auront des successeurs. Vous allumez un feu qui ne saurait s'éteindre. Craint de tout l'univers, il vous faudra tout craindre, toujours punir, toujours trembler dans vos projets, et pour vos ennemis compter tous vos sujets. Oh, de vos premiers ans, l'heureuse expérience vous fait-elle, Seigneur, haïr votre innocence? Songez-vous au bonheur qui les a signalés. Dans quel repos, ô ciel, les avez-vous coulés? Quel plaisir de penser, de dire en soi-même, partout en ce moment, on me bénit, on m'aime. On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer. Le ciel, dont tous leurs pleurs ne m'entend point nommer. Leur sombre inimitié ne fuit point mon visage. Je vois voler partout les cœurs à mon passage. Tels étaient vos plaisirs. Changement. Oh Dieu, le sang le plus abject vous était précieux. Un jour, il m'en souvient, le Sénat équitable vous pressait de souscrire à la mort d'un coupable. Vous résistiez, Seigneur, à leur sévérité. Votre cœur s'accusait de trop de cruauté et, plaignant les malheurs attachés à l'Empire, je voudrais, disiez-vous, ne savoir pas écrire. Non. Ou vous me croirez, ou bien de ce malheur, ma mort m'épargnera la vue et la douleur. On ne me verra point survivre à votre gloire si vous allez commettre une action si noire. Me voilà prêt, Seigneur. Avant que de partir, faites percer ce cœur qui n'y peut consentir. Appelez les cruels qui vous l'ont inspiré, qu'ils viennent essayer leurs mains mal assurées. Mais je vois que mes pleurs touchent mon empereur. Je vois que sa vertu frémit de leur fureur. Ne perdez point de temps. Nommez-moi les perfides qui vous osent donner ces conseils parricides. Appelez votre frère. Oubliez dans ses bras, Néron. Oh, que demandez-vous? Non, il ne vous hait pas, Seigneur. On le trahit. Je sais son innocence. Je vous réponds pour lui de son obéissance. Dans mon appartement qu'il m'attende avec vous. J'y cours. Je vais presser un entretien si doux. Scène 4. Néron, Narcisse. Narcisse. Seigneur, j'ai tout prévu pour une mort si juste. Le poison est tout prêt. La fameuse locuste a redoublé pour moi ses soins officieux. Elle a fait expirer un esclave à mes yeux. Et le fer est moins prompt pour trancher une vie que le nouveau poison que sa main me confie. Néron, Narcisse, c'est assez. Je reconnais ce soin et ne souhaite pas que vous alliez plus loin. Narcisse. Quoi? Pour Britannicus, votre haine affaiblie me défend. Néron. Oui, Narcisse. On nous réconcilie. Narcisse. Je me garderai bien de vous en détourner, Seigneur. Mais il s'est vu tantôt emprisonné. Cette offense en son cœur sera longtemps nouvelle. Il n'est point de secret que le temps ne révèle. Il saura que ma main lui devait présenter un poison que votre ordre avait fait apprêter. Les dieux de ce dessein puissent-ils le distraire, mais peut-être il fera ce que vous n'osez faire, Néron. On répond de son cœur et je vaincrai le mien. Narcisse. Et l'hymen de Junie en est-il le lien, Seigneur? Lui faites-vous encore ce sacrifice? Néron, c'est prendre trop de soin! Quoi qu'il en soit, Narcisse, je ne le compte plus parmi mes ennemis. Narcisse, Agrippine, Seigneur, se l'était bien promis. Elle a repris sur vous son souverain empire. Quoi donc? Qu'a-t-elle dit? Et que voulez-vous dire? Elle s'en est vantée assez publiquement. De quoi? Qu'elle n'avait qu'à vous voir un moment, qu'à tout ce grand éclat, ce courroux funeste, on verrait succéder un silence modeste, que vous-même, à la paix, souscririez le premier, heureux que sa bonté daigne à tout oublier, Néron. Mais Narcisse, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je n'ai que trop de pente à punir son audace, et si je m'en croyais, ce triomphe indiscret serait bientôt suivi d'un éternel regret. Mais de tout l'univers, quel sera le langage? Sur les pas des tyrans, veux-tu que je m'engage et que Rome, effaçant tant de titres d'honneur, me laisse pour tout nom celui d'empoisonneur? Ils mettront ma vengeance au rang des parricides. Narcisse. Éprouvez-vous, Seigneur, leurs caprices pour guide. Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours? Est-ce à vous de prêter l'oreille à leurs discours? De vos propres désirs, perdez-vous la mémoire et serez-vous le seul que vous n'oserez croire? Mais, Seigneur, les Romains ne vous sont pas connus. Non, non. Dans leurs discours, ils sont plus retenus. Tant de précautions affaiblissent votre règne. Ils croiront, en effet, mériter qu'on les craigne. Au joug, depuis longtemps, ils se sont façonnés. Ils adorent la main qui les tient enchaînés. Vous les verrez toujours ardents à vous complaire. Leur prompte servitude a fatigué Tibère. Moi-même, revêtu d'un pouvoir emprunté que je reçus de Claude avec la liberté, j'ai 100 fois, dans le cours de ma gloire passée, tenté leur patience et ne les point lassé. D'un empoisonnement, vous craignez la noirceur? Faites périr le frère, abandonnez la sœur. Rome, sur ses autels prodiguant les victimes, fussent-ils innocents, leur trouvera des crimes. Vous verrez mettre au rang des jours infortunés ce jadis la sœur et le frère sont nés. Néron, Narcisse, encore un coup, je ne puis l'entreprendre. J'ai promis à Burrus. Il a fallu me rendre. Je ne veux point encore, en lui manquant de foi, donner à sa vertu des armes contre moi. J'oppose à ses raisons un courage inutile. Je ne l'écoute point avec un cœur tranquille. Narcisse. Burrus ne pense pas, Seigneur, tout ce qu'il dit. Son adroite vertu ménage son crédit. Ou plutôt, ils n'ont tous qu'une même pensée. Ils verraient par ce coup leur puissance abaissée. Vous seriez libre alors, Seigneur. Et devant vous, ces maîtres orgueilleux fléchiraient comme nous. Quoi donc? Ignorez-vous tout ce qu'ils osent dire? Néron, s'ils en sont crus, n'est pas né pour l'Empire. Il ne dit, il ne fait que ce qu'on lui prescrit. Burrus conduit son cœur, Sénèque son esprit. Pour toute ambition, pour vertu singulière, il excelle à conduire un char dans la carrière, à disputer des prix indignes de ses mains, à se donner lui-même en spectacle aux Romains, à venir prodiguer sa voix sur un théâtre, à réciter des chants qu'il veut qu'on idolâtre, tandis que les soldats, de moment en moment, vont arracher pour lui des applaudissements. Oh, ne voulez-vous pas les forcer à se taire? Néron. Viens, Narcisse. Allons voir ce que nous devons faire. Acte 5. Scène première. Britannicus, Junie. Britannicus. Oui, madame. Néron, qui l'aurait pu penser, dans son appartement m'attend pour m'embrasser. Il y fait de sa cour inviter la jeunesse. Il veut que d'un festin, la pompe et l'allégresse confirment à leurs yeux la foi de nos serments et réchauffent l'ardeur de nos embrassements. Il éteint cet amour, source de tant de haine. Il vous fait de mon sort arbitre souveraine. Pour moi, quoique banni du rang de mes aïeux, quoique de leur dépouille il se pare à mes yeux, depuis qu'à mon amour, cessant d'être contraire, il semble me céder la gloire de vous plaire, mon cœur, je l'avouerai, lui pardonne en secret et lui laisse le reste avec moins de regret. Quoi, je ne serai plus séparé de vos charmes. Quoi, même en ce moment, je puis voir sans alarme ces yeux que n'ont ému ni soupir ni terreur, qui m'ont sacrifié l'Empire et l'Empereur. Oh, madame! Mais quoi? Quelle nouvelle crainte tient parmi mes transports votre joie en contrainte? D'où vient qu'en m'écoutant, vos yeux, vos tristes yeux, avec de longs regards, se tournent vers les cieux? Qu'est-ce que vous craignez, Junie? Je l'ignore moi-même, mais je crains. Britannicus, vous m'aimez, Junie. Hélas, si je vous aime, Britannicus. Néron ne trouble plus notre félicité, Junie. Mais me répondez-vous de sa sincérité, Britannicus? Quoi? Vous le soupçonnez d'une haine couverte? Junie, Néron m'aimait tantôt, il jurait votre perte, il me fuit, il vous cherche. Un si grand changement peut-il être, Seigneur, l'ouvrage d'un moment? Britannicus, cet ouvrage, madame, est un coup d'Agrippine. Elle a cru que ma perte entraînait sa ruine. Grâce aux préventions de son esprit jaloux, nos plus grands ennemis ont combattu pour nous. Je m'en fie au transport qu'elle m'a fait paraître. Je m'en fie à Pyrrhus. J'en crois même son maître. Je crois qu'à mon exemple, impuissant à trahir, il hait à cœur ouvert ou cesse de haïr. Junie, Seigneur, ne jugez pas de son cœur par le vôtre. Sur des pas différents, vous marchez l'un et l'autre. Je ne connais Néron et la cour que d'un jour, mais, si je l'ose dire, hélas, dans cette cour, combien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense. Que la bouche et le cœur sont peu d'intelligence, avec combien de joie on y trahit sa foi. Quel séjour étranger pour vous et pour moi. Britannicus, mais que son amitié soit véritable ou feinte. Si vous craignez Néron, lui-même, est-il sans crainte? Non, non, il n'ira point par un lâche attentat soulever contre lui le peuple et le Sénat, que dis-je? Il reconnaît sa dernière injustice. Ses remords ont paru même aux yeux de Narcisse. Oh, s'il vous avait dit, ma princesse, à quel point, Junie? Mais Narcisse, seigneur, ne vous trahit-il point? Britannicus. Et pourquoi voulez-vous que mon cœur s'en défie? Junie, que sais-je? Il y va, seigneur, de votre vie. Tout m'est suspect. Je crains que tout ne soit séduit. Je crains Néron. Je crains le malheur qui me suit. D'un noir pressentiment, malgré moi prévenu, je vous laisse à regret éloigné de ma vue. Hélas, si cette paix dont vous vous repaissez couvrait contre vos jours quelques pièges dressés, si Néron, irrité de notre intelligence, avait choisi la nuit pour cacher sa vengeance, s'il préparait ses coups tandis que je vous vois, et si je vous parlais pour la dernière fois. Oh, prince Britannicus, vous pleurez? Oh, ma chère. Et pour moi, jusque-là, votre cœur s'intéresse? Quoi, madame? En un jour où plein de sa grandeur, Néron croit éblouir vos yeux de sa splendeur. Dans des lieux où chacun me fuit et le révère, aux pompes de sa cour, préférez ma misère. Quoi, dans ce même jour et dans ces mêmes lieux, refuser un empire? Et pleurer à mes yeux. Mais, madame, arrêtez ces précieuses larmes. Mon retour va bientôt dissiper vos alarmes. Je me rendrai suspect par un plus long séjour. Adieu. Je vais, le cœur tout plein de mon amour, au milieu des transports d'une aveugle jeunesse, ne voir, n'entretenir que ma belle princesse. Adieu, prince. On m'attend, madame, il faut partir. Mais au moins attendez qu'on vous vienne avertir. Scène 2, Agrippine, Britannicus, Junie. Agrippine. Prince, que tardez-vous? Partez en diligence. Néron impatient se plaint de votre absence. La joie et le plaisir de tous les conviés attend pour éclater que vous vous embrassiez. Ne faites point languir une si juste envie. Allez! Et nous, madame, allons chez Octavie. Britannicus. Allez, belle Junie, et d'un esprit content, hâtez-vous d'embrasser ma sœur qui vous attend. Dès que je le pourrai, je reviens sur vos traces, madame, et de vos soins, j'irai vous rendre grâce. Scène 3, Agrippine, Junie. Agrippine. Madame, ou je me trompe, ou durant vos adieux, quelques pleurs répandus ont obscurci vos yeux. Puis-je savoir quel trouble a formé ce nuage? Doutez-vous d'une paix dont je fais mon ouvrage? Junie, après tous les ennuis que ce jour m'a coûtés, ai-je pu rassurer mes esprits agités? Hélas, à peine encore je conçois ce miracle. Quand même à vos bontés, je craindrais quelque obstacle. Le changement, madame, est commun à la cour. Et toujours quelque crainte accompagne l'amour. Agrippine, il suffit. J'ai parlé. Tout a changé de face. Mes soins à vos soupçons ne laissent point de place. Je réponds d'une paix jurée entre mes mains. Néron m'en a gonné des gages trop certains. Ah, si vous aviez vu par combien de caresses il m'a renouvelé la foi de ses promesses, par quels embrassements il vient de m'arrêter, ses bras dont nos adieux ne pouvaient se quitter, sa facile bonté sur son front répandu jusqu'au moindre secret d'abord descendu. Il s'épanchait en fils qui vient en liberté dans le sein de sa mère oublier sa fierté. Mais bientôt, reprenant un visage sévère, tel que d'un empereur qui consulte sa mère, sa confidence auguste a mis entre mes mains des secrets d'où dépend le destin des humains. Non, il le faut ici confesser à sa gloire, son cœur n'enferme point une malice noire, et nos seuls ennemis, altérant sa bonté, abusaient contre nous de sa facilité. Mais enfin, à leur tour, leur puissance décline. Rome, encore une fois, va connaître Agrippine. Déjà, de ma faveur, on adore le bruit. Cependant, en ces lieux, n'attendons pas la nuit, passons chez Octavie, et donnons-lui le reste d'un jour autant heureux que je l'ai cru funeste. Mais qu'est-ce que j'entends? Quel tumulte confus! Que peut-on faire? Junie, oh ciel, sauvez Britannicus! Burrus! Où courez-vous? Arrêtez, que veut dire? Burrus, madame, sans effet, Britannicus expire. Junie, ah, mon prince! Il expire! Ou plutôt, il est mort, madame. Junie, pardonnez, madame, à ce transport. Je vais le secourir si je puis, ou le suivre! Je n'y pourrai survivre, madame. Il faut quitter la cour et l'empereur. Agrippine, quoi? Du sang de son frère? Il n'a point eu d'horreur. Burrus, ce dessein s'est conduit avec plus de mystère. À peine l'empereur a vu venir son frère, il se lève, il l'embrasse, on se tait. Et soudain, César prend le premier une coupe à la main. Pour achever ce jour sous de meilleurs auspices, ma main de cette coupe épanche les prémices, dit-il. Dieu, que j'appelle à cette effusion, venez favoriser notre réunion. Par les mêmes serments, Britannicus se lie. La coupe, dans ses mains, par Narcisse est remplie. Mais ses lèvres, à peine en ont touché les bords, le fer ne produit point de si puissants efforts, madame. La lumière à ses yeux est ravie. Il tombe sur son lit, sans chaleur et sans vie. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. La moitié s'épouvante et sort avec des cris. Mais ceux qui, de la cour, ont un plus long usage, sur les yeux de César composent leur visage. Cependant, sur son lit, il demeure penché. D'aucun étonnement, il ne paraît touché. Ce mal dont vous craignez, dit-il, la violence, a souvent, sans péril, attaqué son enfance. Narcisse veut en vain affecter quelque ennui, et sa perfide joie éclate malgré lui. Pour moi, dû l'empereur punir ma hardiesse, d'une odieuse cour j'ai traversé la presse, et j'allais, accablé de cet assassinat, pleurer Britannicus, César et tous les là. Agrippine, le voici. Vous verrez si c'est moi qui l'inspire. Cenis, Agrippine, Néron, Burrus, Narcisse, Néron. Dieu! Agrippine, arrêtez, Néron! J'ai deux mots à vous dire. Britannicus est mort. Je reconnais les coups. Je connais l'assassin. Et qui, madame? Vous! Moi! Voilà les soupçons dont vous êtes capable. Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable. Et si l'on veut, madame, écouter vos discours, ma main, de Claude même, aura tranché les jours. Son fils vous était cher, sa mort peut vous confondre, mais des coups du destin, je ne puis pas répondre. Agrippine, non, non! Britannicus est mort empoisonné. Narcisse a fait le coup. Vous l'avez ordonné. Néron, madame! Mais qui peut vous tenir ce langage? Narcisse. Seigneur, ce soupçon vous fait-il tant d'outrage? Britannicus, madame, eut des desseins secrets qui vous auraient coûté de plus justes regrets. Il aspirait plus loin qu'Alimène de Junie. De vos propres bontés, il vous aurait puni. Il vous trompait vous-même. Et son cœur offensé prétendait tôt ou tard rappeler le passé. Soit donc, malgré vous, le sort vous ait servi, soit qu'instruit des complots qui menaçaient sa vie, sur ma fidélité César s'en soit remis, laissez les pleurs, madame, à vos seuls ennemis, qu'ils mettent ce malheur au rang des plus sinistres. Mais vous, Agrippine, poursuit Néron, avec de tels ministres, par des faits glorieux, tu te vas signaler, poursuis. Tu n'as pas fait ce pas pour reculer. Ta main a commencé par le sang de ton frère. Je prévois que tes coups viendront jusqu'à ta mère. Dans le fond de ton cœur, je sais que tu me hais. Tu voudras t'affranchir du joug de mes bienfaits. Mais je veux que ma mort te soit même inutile. Ne crois pas qu'en mourant, je te laisse tranquille. Rome, ce ciel, ce jour que tu as reçu de moi, partout, à tout moment, m'offriront devant toi. Tes remords te suivront comme autant de furies. Tu croiras les calmer par d'autres barbaries. Ta fureur, s'irritant soi-même dans son cours, d'un sang toujours nouveau, marquera tous tes jours. Mais j'espère qu'enfin le ciel, là de tes crimes, ajoutera ta perte à tant d'autres victimes, qu'après être couvert de leur sang et du mien, tu te verras forcé de répandre le tien, et ton nom paraîtra dans la race future au plus cruel tyran, une cruelle injure. Voilà ce que mon cœur se présage de toi. Adieu, tu peux sortir. Néron, Narcisse, suivez-moi. Sensette, Agrippine, Burrus. Agrippine. Oh, ciel! De mes soupçons, quelle était l'injustice! Je condamnais Burrus pour écouter Narcisse. Burrus, avez-vous vu quel regard furieux Néron, me quittant, m'a laissé pour adieu? C'en est fait. Le cruel n'a plus rien qui l'arrête. Le coup qu'on m'a prédit va tomber sur ma tête. Il vous accablera vous-même à votre tour, Burrus. Ah, madame, pour moi, j'ai vécu trop d'un jour. Plutôt ciel que sa main heureusement cruelle eût fait sur moi l'effet de sa fureur nouvelle, qu'il ne m'eût pas donné par ce triste attentat un gage trop certain des malheurs de l'État. Son crime seul n'est pas ce qui me désespère. Sa jalousie a pu l'armer contre son frère. Mais s'il vous faut, madame, expliquer ma douleur. Néron l'a vu mourir sans changer de couleur. Ses yeux indifférents ont déjà la constance d'un tyran dans le crime endurci dès l'enfance. Qu'il achève, madame, et qu'il fasse périr un ministre importun qui ne le peut souffrir. Hélas, loin de vouloir éviter sa colère, la plus soudaine mort me sera la plus chère. Scène 8. Agrippine, Burrus, Albine. Albine. Ah, madame! Ah, seigneur! Courez vers l'empereur. Venez sauver César de sa propre fureur. Il se voit pour jamais séparé de Junie. Agrippine, quoi? Junie elle-même a terminé sa vie? Albine. Pour accabler César d'un éternel ennui, madame, sans mourir, elle est morte pour lui. Vous savez de ces lieux comme elle s'est ravie. Elle a faim de passer chez la triste Octavie, mais bientôt elle a pris des chemins écartés où mes yeux ont suivi ses pas précipités. Des portes du palais, elle sort éperdue. D'abord, elle a d'Auguste aperçu la statue. Et, mouillant de ses pleurs le marbre de ses pieds que de ses bras pressants elle tenait liés, « Prince, par ses genoux, dit-elle, que j'embrasse, protège en ce moment le reste de ta race. Rome, dans ton palais, vient de voir immoler le seul de tes neveux qui te pût ressembler. On veut après sa mort que je lui sois parjure, mais pour lui conserver une foi toujours pure, prince, je me dévoue à ces dieux immortels dont ta vertu t'a fait partager les autels. » Le peuple, cependant, que ce spectacle étonne, vole de toutes parts, se presse, l'environne, s'attendrit à ses pleurs, et, plaignant son ennui, d'une commune voix, la prend sous son appui, il l'amène au temple, où, depuis tant d'années, au culte des autels, nos vierges destinées gardent fidèlement le dépôt précieux du feu toujours ardent qui brûle pour nos dieux. César les voit partir sans oser les distraire. Narcisse, plus hardi, s'empresse pour lui plaire. Il vole vers Junie, et sans s'épouvanter, d'une profane main commence à l'arrêter. De 1000 coups mortels, son audace est punie. Son infidèle sang rejaillit sur Junie. César, de tant d'objets en même temps frappés, le laisse entre les mains qui l'ont enveloppé. Il rentre. Chacun fuit son silence farouche. Le seul nom de Junie échappe de sa bouche. Il marche sans dessein. Ses yeux mal assurés n'osent lever au ciel leurs regards égarés. Et l'on craint, si la nuit jointe à la solitude vient de son désespoir aigrir l'inquiétude, si vous l'abandonnez plus longtemps sans secours, que sa douleur bientôt n'attende sur ses jours. Le temps presse, courez, il ne faut qu'un caprice. Il se perdrait, madame Agrippine. Il se ferait justice. Mais, Burrus, allons voir jusqu'où vont ces transports. Voyons quel changement produiront ses remords. S'il voudra désormais suivre d'autres maximes, Burrus, plutôt Dieu que ce fut le dernier de ses cris. La